Cette signalisation concerne les conducteurs de moto? Oui, réponse A. Non, réponse B. Les conducteurs de voiture? Oui, réponse C. Non, réponse D.